Messi! Pousse ses ongles pendant 15 jours! On doit laisser pousser ses ongles pendant 15 jours. Comme il est doux d'arracher brutalement de son lit un enfant qui n'a rien encore sur la lèvre supérieure. Et avec les yeux très ouverts, de passer suavement la main sur son front. En l'inclinant en arrière ses beaux cheveux. Tout à coup, au moment où il ne s'y attend pas d'enfoncer les ongles longs dans sa poitrine molle, de façon qu'il ne meure pas. Car s'il mourait, on n'aurait pas plus l'aspect de ses misères. Ensuite, on boit le sang en léchant les blessures. En léchant les blessures.